Tu sais. Et on veut tous l'or. On veut tous être les plus forts. Mais le rap, c'est dire alors. Donc tu fais tes preuves ou tu sors. Je suis venu. J'ai vu. Et je vainc. D'abord au moins c'est qui Vidéo le carré. Est-ce que tu sais négro ce qu'on a les compris? Les villes de province et Paris. La rue qui blesse, est-ce que tu l'as senti? Jambino's écurie. Veni, Vigi, Vici. Les terrains conquis. Est-ce que tu sais d'abord au moins c'est qui Vidéo le carré. Est-ce que tu sais négro ce qu'on a les compris? Les villes de province et Paris. La rue qui blesse, est-ce que tu l'as senti? Jambino's écurie. Veni, Vigi, Vici. Les terrains conquis. Et grave mon nom sur les épitaphes. Un taf bof, c'est bref, comme rapper que pour l'argent. Ça passe vite au bref. Je te donne des news de là où on te coupe la tête avant que de l'erreur t'es la germe. Ici je suis armé, on me fait chier, pas besoin d'avocat, c'est un poids dans la gueule et pas besoin de sous-titres. Beat au mic, le mec qui pèse, c'est ce qui se dit dans ce sanctuaire où les plus couillants ont la grosse tête, hypocrite comme le diable. Et c'est DS qui me mate sur blesse, fréquent sans cesse, elle se balade à poil. Je suis venu, j'ai vu, j'ai pas fini, y'a plein d'acteurs ici, mais dis-leur que c'est moi qui réalise le film. Y'a plus de petits, ni de grands, tu deviens grand en acceptant d'y aller petit à petit. J'prends le large, mais gambarge encore, y'a plein de morts sur la rive tant que je bande, impossible que je meure. Est-ce que tu sais d'abord moi c'est qui Vidéo le carré. Est-ce que tu sais négro ce qu'on a compris? Les villes de province c'est Paris. La rue qui blesse, est-ce que tu l'as senti? Jambino's écurie. Veni, Vigi, Vici. Les terrains conquis. Est-ce que tu sais d'abord moi c'est qui Vidéo le carré. Est-ce que tu sais négro ce qu'on a compris? Les villes de province c'est Paris. La rue qui blesse, est-ce que tu l'as senti? Jambino's écurie. Veni, Vigi, Vici. Les terrains conquis. Je suis venu pour pas tarder sur les murets de placard. Des fuck qui veut nous bâtarder. Aucun répit de Bacardi. J'occupe la masse, lyrics, flamasse, faut que j'amasse, ramasse le boss, c'est moi ou Nasu Damas. Je suis venu à l'âge de 15 ans, enfin 95 ans. Maintenant les temps que je pèse est dans la maison. Je suis venu pour rapper, maintenant qui peut me zapper? Un bouc toujours bien sapé, ferme tes gueules quand même mes jaquets. J'ai vu du sexe, jalousie, mensonge, violence, bitch. Fausse go, faux lascar, cash, ignorance, triche. J'ai vu des regards d'admiration, des regards haine. Des balles tringues, des vrais flingues, des ambiances malsaines. J'ai vu de l'hypocrisie, des showbiz man busy. Des mecs rentrés dans le bistrot, easy, peur de mon gros zizi. J'ai vu faut être le patron, d'être qui blague trop. Je suis venu, j'ai vu et je dois vaincre qui parle trop. Est-ce que tu sais d'abord au moins c'est qui Vidéo le carré. Est-ce que tu sais négro ce qu'on a conquis? Les villes de province c'est Paris. La rue qui blesse, est-ce que tu l'as senti? Jambino's écurie. Veni, Vici, Vici. Les terrains conquis. Est-ce que tu sais d'abord au moins c'est qui Vidéo le carré. Est-ce que tu sais négro ce qu'on a conquis? Les villes de province c'est Paris. La rue qui blesse, est-ce que tu l'as senti? Jambino's écurie. Veni, Vici, Vici. Les terrains conquis. Toi vaincre la concurrence en occurrence. Faire la différence, écoute les mots que je lance, pression. L'enjeu est trop immense. Immense, comme ces mecs que j'ai mis sur la touche. J'ai vaincu micro point, lyrics clash dans la bouche. Dois vaincre, on stresse, on presse, le mic qu'on cesse. Sans cesse de lécher les fesses à ceux qui rappent comme mes fesses. Les fausses faces s'empressent et misent dans ce bis s'épice. Pour moi car je suis l'imposteur qui fait des ordres dans cette messe basse. Dois vaincre l'instru, fuck les intrus. Apporte que t'as jamais entendu dans tes enceintes. C'est cinq gros et cru, des gros tigres nègres. Et migre dans vos villes, on t'emmerde si t'es pas intègre. Dois vaincre celui qui fait style de m'aimer alors qu'il m'aime pas. Tu prêt à vaincre? Maintenant les refrains faut qu'ils ne se plaignent pas. Te plains pas, si dans ta ville y'a du vacarme. On a conquis le cœur du peuple et notre victoire ils acclament. Est-ce que tu sais d'abord au moins c'est qui Vidéo le carré. Est-ce que tu sais les grosses qu'on a les conquis? Les villes de province c'est Paris. La rue qui blesse, est-ce que tu l'as senti? Jambino's écurie. Veni, Vici, Vici. Les terrains conquis. Est-ce que tu sais d'abord au moins c'est qui Vidéo le carré. Est-ce que tu sais les grosses qu'on a conquis? Les villes de province c'est Paris. La rue qui blesse, est-ce que tu l'as senti? Jambino's écurie. Veni, Vici, Vici. Les terrains conquis. Est-ce que tu sais d'abord au moins c'est qui Vidéo le carré. Est-ce que tu sais négro ce qu'on a conquis? Les villes de province c'est Paris. La rue qui blesse, est-ce que tu l'as senti? Jambino's écurie. Veni, Vici, Vici. Les terrains conquis. Est-ce que tu sais d'abord au moins c'est qui Vidéo le carré. Est-ce que tu sais négro ce qu'on a les conquis? Les villes de province c'est Paris. La rue qui blesse, est-ce que tu l'as senti? Jambino's